comme un distributeur. Le retour des gilets jaunes. Les sirènes de la gendarmerie chantent encore plus fort tous les samedis. Oh, les soldats battus à la patrouille, ne fais pas de ville, puis à la vache dans toute la ville. Ouais, excellent. Pas mal.